Dernière folie de Guillermo Guise, c'est maintenant. Attention. Ça va les amigos. Oui. Bon, je vous préviens, je vais avoir du mal à formuler ce que j'ai vraiment envie de dire ce matin, parce que c'est une idée un peu complexe. Comme vous le savez, ces 20 dernières années, moi j'ai beaucoup de neurones qui sont sortis de ma vie à cause de la gnôle. Et vous allez me dire, oui, alors, et Leïla, ouais, ça l'empêche pas d'être brillante. C'est vrai que chacun fait avec son métabolisme. En plus, Leïla, pour sa consommation d'alcool, elle a un coach. Alors, comparez pas. Mais mon idée, elle a un lien avec cette histoire de limitation à 80 km/h sur les routes départementales. Vous allez me dire, mec, on est sur Inter, les routes départementales, on n'y va jamais. Tu vois, donc. T'as pas un vrai sujet de chronique, je sais pas, Hidalgo, le chauffe-eau d'un Hidalgo, je sais pas, un truc avec Michel Hidalgo, un truc avec Hidalgo, n'importe quoi, un truc où on se sent concerné. C'est vrai que sur France Inter, le seul qui va en province, c'est Philippe Bertrand, et je vois bien comment les gens le traitent à la cantine. Tu vois, on dirait un mec qui a un pins chlamydia social club, tu vois, membre contagieux. Et j'en parlais avec Daniel Morin qui m'a raconté qu'il était sorti une fois de Paris en 2014 pour acheter un jeûne, et ça lui avait ouvert les jeunes sur les yeux sur la misère de France. Vous vous rappelez, Daniel, vous m'avez dit, oh bien, c'est la dernière fois que je vais à Clamart. Et Daniel, il m'a dit, là, la province, ça me donne envie de crever dans un houmous. Vous vous rappelez comment il a dit ça? Ouais, en fait, et au-delà de ça, j'avoue qu'en tant que Belge, depuis la tête d'une titi, je vois plus la sécurité routière de la même manière en France. La tête d'une titi, c'était quand exactement? Autant avant, moi je trouvais que ça avait du sens de sauver. Autant avant, je trouvais que ça avait du sens de sauver des vies françaises. Autant maintenant, sérieux, moi si ça tenait qu'à moi, la limitation, je la mets pas à 80, je la mets à 180. T'as 175, amende. On avait dit 180. Ouais, je viens de Paris, monsieur l'agent, je suis en trottinette, rien à foutre, 180. Mais au pouvoir, moi au pouvoir, c'est quoi, j'applique le code de la route belge. T'es sobre au volant, amende. Ton contrôle technique est en ordre, amende mon pote. Tu vas me limer ces plaquettes de frein. On verra si ça vous passe l'envie de tout fermer en deuxième mi-temps comme des lâches. Vraiment. Ceci dit, pas de problème. Ceci dit, la mortalité routière. Tu disais pas ça devant Didier Deschamps quand il était là. Hein. Laissez-moi parler. Ceci dit, la mortalité routière est en recul historique en France. Vous avez vu, Edouard Philippe, il l'a annoncé lundi. Edouard Philippe, putain. Vous me connaissez, moi je suis de droite qu'à partir de 22-23 heures. Le reste du temps, je trouve ce qu'il y a important de porter des habits en laine. Mais Edouard Philippe. Là, je suis un peu content pour lui quand même. Ça fait un an qu'il purge, le pauvre. Ça fait un an qu'il dit, on va limiter à 80, vous allez voir, ça va sauver des vies. Bon, au début, ce sera peut-être un peu impopulaire. Avec les Français qui le font, en effet, c'est impopulaire, va te faire enculer. Et lui, là, mais non, mais je vous promets, c'est pour votre bien. À la fin, vous allez me dire merci. On va pas te dire merci, on va te dire va te faire enculer. Pas compris. Là, le pauvre, ça le mine, tu vois. Macron, il soutient même pas, tu vois. Macron est là. Edouard, je vais te poser une seule question. Toi, t'écoutes France Bleu? Non, mais voilà, on s'en bat les couilles, route départementale, bac de fuck up. Du coup, il est seul, Edouard Louis, il est seul, il a plus d'amis. Ça fait 6 mois qu'il parle à un ballon, tu vois. Vraiment, il est au bout du Rolls, là, tu le vois à la télé, t'as l'impression que c'est Vernon Subutex. Vraiment, chaque fois qu'il s'exprime en public, tu te dis, ça y est, il va dire, aidez-moi, tout le monde, arrête de faire enculer. Même le ballon, il vous roule à 90, tu vois. Et sauf que là, enfin, les chiffres de la sécurité routière, ils sont sortis. Et d'après les calculs, la limitation à 80 aurait permis panier 116 vies sur les routes concernées apparemment. Donc il a annoncé les chiffres, c'était plus le même homme. En conférence de presse, il a dit, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit, putain, j'ai sauvé 116 vies, je suis qui? Je suis Pamela Anderson dans Baywatch. On dit merci qui maintenant? On dit merci Eddie. Sauf que le pauvre, il n'y a personne qui va lui dire merci. Les 116 vies épargnées, c'est des vies abstraites. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui se dit, c'est moi qui suis dans les 116, quoi. Là, Edouard Philippe est là, mais attendez, je veux pas faire le relou, mais là j'ai sauvé 116 vies. Alors cette fois, on dit qui? C'est très bien ce qu'on va dire, enculé. Vraiment, pour revenir à mon idée philosophique de départ. Mais ce que je veux dire, c'est dommage d'avoir toujours recours à des interdictions, des restrictions pour protéger les gens contre eux-mêmes. Et en fait, ce que... Ouais. Putain, je savais que j'allais pas réussir à le formuler. Le numéro de coach, là, c'est important. Une bonne émission. Merci, Guillaume Guise. France Inter, midi, la bande originale.